Yeah. Hey gros, c'est trop laid. Le bonheur s'achète et à chaque achat tu fais un plein pour être offert. Je me plains qu'il faut du bif car il en faut du bif. Mais comme un con, je rappe comme si Ferry met des mots, ses recettes. Mais tant pis, j'ai pour mes procès. J'perds, non, j'ai beau faire des efforts. Dans ma vie, bah, j'ai trop fait de mauvais choix. C'est loin mes rêves d'être l'agent 007. Les temps sont durs. Ah, si seulement j'avais zéro frère au hype. Marre, c'est trop, j'déconnecte. J'ai lancé des tonnes d'SOS là. Seule réponse, fuis pas le fait pour rêve. L'histoire est belle comme les promesses que je fais. Ma mère mérite pas de vivre de l'ombre, je te laisse la lune. Moi, je lui décrocherai le soleil à l'heure. On voudrait vivre de Zeyo et d'eau fraîche. Roulons vers l'inconnu, j'ai fait le plein, la haine comme kérosène. Hey yo, check. J'ai peu connu mon ange gardien, mais si je le crois, je crois moi, je lui dégomme les paupières. Car dans nos crânes, c'est la zéromie. On s'accroche au fait qu'on va mourir un jour pour nous faire revivre. Mais peine on fait de moi un homme. À dire à ceux qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire de lui. Je fais ce titre en sachant que ça pourrait peut-être me nuire. Depuis le départ, je reste gamin seul. Mais peine on fait de moi un homme. À dire à ceux qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire de lui. J'essaie de m'ouvrir à chaque 16. Mais au lieu de ça, je me bousille le crâne. À croire que souffrir ça m'apaise. Ce soir, je suis soupillable. Des mauvais souvenirs braquent ma tête. Là, ils font quoi pour oublier des choses qu'on n'oubliera jamais. En plus, des soucis me traquent. Demander des broutilles passagères. Il est temps qu'on fasse du bif, frérot. On roupira après. Tu sais, j'ai peur de mettre un gosse au monde qui sourira à peine face à ce que j'ai à lui offrir. Parce qu'on n'est pas tous riches à la naissance. Et je me sens tout petit face à cette envie de tout casser. J'ai peur qu'elle se rende compte que je lui mens quand je lui dis tout ira ma belle. L'être humain est mauvais. Le seul moment où il te fait pas de croche-patte, c'est quand il te regarde courir à ta perte. 6h, réveil sonne. La forme c'est pas trop sale. Type dans le miroir me rappelle qu'à défaut d'être ce leader, je reste personne. Je pars au taf, une part au crâne. Tu vois le cas social. Ah, y'a quelques heures, dire que je l'ai, j'ai dans nos crânes, c'est la zéromie. On s'accroche au fait qu'on va mourir un jour pour nous faire revivre. Mais peine on fait de moi un homme. À dire à ceux qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire de lui. Je fais ce titre en sachant que ça pourrait peut-être me nuire. Depuis le départ, je reste gamin seul. Mais peine on fait de moi un homme. Dire à ceux qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire de lui. Ça attend, mais je reste dehors, je vire du côté des insomniaques. Depuis que mes vrais peurs me naquent, quand j'essaye de dormir, je me braque dans mes 16, toi. T'attends la sortie de mon album, moi c'est celle de mes potes que j'attends de pied ferme. Ce monde ivre, je suis pas censé l'être, peu de motifs. Mon beau sourire se cache dans mes plaies, je veux sortir de ma bulle. Crapule deviendra quelqu'un si Dieu le veut. Pareil qu'il suffit de croire en ses rêves. Car dans nos crânes, c'est la zéromie. On s'accroche au fait qu'on va mourir un jour pour nous faire revivre. Mais peine on fait de moi un homme. Peine on fait de moi un homme. À dire à ceux qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire de lui. Je fais ce titre en sachant que ça pourrait peut-être me nuire. Depuis le départ, je reste gamin seul. Mais peine on fait de moi un homme. Peine on fait de moi un homme. À dire à ceux qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire de lui. Dans nos crânes, c'est la zéromie. Mais peine on fait de moi un homme. Gamin seul, mais peine on fait de moi un homme. Va dire à ceux qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire de lui.